بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حق حمده، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على شرف المرسلين سيد الأولين والأخيرين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر وتعطفي بنظرة تعطي لنا بظفر. الحمد لله. Dans l'ouvrage Nour al-Basar fi Madh Sayyid al-Bashar, sallallahu alayhi wa sallam, Maulana Shah al-Islam al-Hajj Ibrahim Niyas radiallahu anhu écrit au troisième chapitre: Nourruhu awalul wujudi wujudan fahwa aslul usuli wal anjali. Lam yazal nourruhu bi'ayn ilahi fi intiqali fil kawni ba'da intiqali. Thumma hatta hala diya wa tajalla nourruhu fi abdil ilahi la'ali. Cette lumière préexistentielle, Shreya Brahmanias dit, Nuruhu awalul wujudi wujudan, cette lumière qui est la première existence qu'Allah a existenciée, c'est l'essence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette lumière est descendue jusqu'à venir se déposer et s'incarner dans l'être et se briller sur le visage et sur le front du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdallah ibn Abd al-Muttalib. Dans le livre Al-Faidul Ahmadi fi Mawlidil Muhammadi, Cheikh Ibrahim Anias radiallahu anhu relate que Abdallah ibn Abd al-Muttalib, Abdillahi walidi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, que Abdallah le père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, annahu nama laylatan fil attahi ay Makkah, une nuit où il dormait à Makka, fara fil manam, il a fait un rêve. Ka annahu kharaja minhu silsilatun bayda'u. Et dans son rêve, il a vu que comme si émanait de lui silsilatun bayda'u, une chaîne de lumière. Laha arba'atun atarafin, une chaîne de lumière qui avait quatre extrémités. Tarfun fil mashariqi wa tarfun fil maghribi. Une extrémité à l'est, une extrémité à l'ouest. Watarfun minha balara anana samai. Watarfun minha lahiqa bithar al-ardi. Une extrémité qui allait jusqu'aux confins du ciel et une extrémité qui était ancrée dans les profondeurs de la terre. Tumasarat kashadjaratin, puis cette chaîne de lumière est devenue kashadjaratin, comme un arbre. Khadara'a, un arbre verdoyant. Ala kulli warraqatin minha nurun. Et sur chaque feuille de cet arbre, il y avait une lumière. Wa ahlul mashariqi wal maghribi yastadhalluna biha. Et tous les habitants du monde d'ici-bas, d'est en ouest, ils venaient s'abriter à l'ombre de cet arbre. Lorsque Abdallah ibn Abd al-Muttalib s'est réveillé, au matin, il a étaient trouvés les savants, ceux qui auraient été en mesure de pouvoir lire et interpréter son rêve. En l'entendant, ils lui ont répondu: In sadaqat ru'yaka yakhrujanna min sulbika man tu'minu bihi ahlu samawati wa ahlu al-ardi wa yakunu nabiyyu akhyari zamani. In sadaqat ru'yaka, si ton rêve est véridique, si ton rêve est authentique, véritable, alors il émanera de tes reins, c'est-à-dire de ta descendance, de ta postérité. Celui en qui auront foi les résidents des cieux et les résidents de la terre. Celui qui sera le prophète de la fin des temps. Abdallah ibn Abd al-Muttalib était un homme d'une grande beauté. Justement parce que la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam reflétait sur lui, sur son visage et sur son front. Sa beauté était telle que de nombreuses femmes l'avaient sollicité pour se marier avec lui. De nombreuses femmes lui avaient proposé des biens matériels, lui avaient proposé des richesses pour cela. Il était même arrivé qu'une femme se jette sur lui en lui disant « Qiya alayya » وَلَكَ مِثْلُ مَا فُدِيتَ بِهِ مِنَ الْإِبْلِ قِيَ عَلَيْهَا prends-moi, jette-toi sur moi. Et tu auras en retour, tu auras en échange le nombre de chameaux qu'il a fallu pour racheter ta vie. Nous avions vu que son père, Abdelmutallib, avait racheté la vie de son fils Abdallah par 10 fois 10 chameaux, c'est-à-dire par 100 chameaux. À cette proposition que lui fit cette femme ce jour-là, Abdallah ibn Abdelmutallib, comme nous le relate Cheikh Ibrahim Agnès dans la suite de ce poème de Nour al-Bassar, « Ashiqatun nisa'u yabdunna amwalan lahu min ajli al-baha wa al-jamali » Ces femmes le sollicitaient, le harcelaient même. Et cette femme qui s'est jetée sur lui, bah, il dit que la réponse de Abdallah fut « Amal haramu fal maudunun fi kalamin yakuluhu du kamali » Quant à l'illicite, la mort serait moindre pour moi. Il a répondu, comme nous le dit Cheikh Ibrahim Agnès, par des paroles qui sont les paroles des gens accomplis et parfaits. Puis lorsqu'Allah a voulu transférer la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait désirer à son père Abdallah le mariage. Il lui a fait vouloir se marier et trouver une épouse. Lorsqu'il a voulu cela, il est alors parti trouver sa propre mère. Et lui a dit « Uridu minki, antahbiti li imra'atan zata husnin, wa jamalin, wa baha'in, wa kamalin, wa hasabin, wa nasabin alin. Uridu minki, je veux que toi, ma mère, je veux que toi tu choisisses pour moi une femme. Une femme de bien, une femme de beauté. Une femme de qualité, une femme parfaite. Une femme de vertu, une femme de haute lignée. Sa mère alors lui a répondu avec joie, Hubban wa karamatan ya waladi. Huban wa karamatan, mais avec amour et honneur, ya waladi, oh mon fils. Elle a alors commencé à regarder parmi les filles des tribus de Quraysh et parmi les filles des nobles tribus et des nobles familles arabes. Mais son attention n'a été retenue que par une jeune fille, Aminatu bintu Wahbin, et c'est elle qui fut choisie. Et comme nous le dit Cheikh Ibrahim Agnès, فَحَمَلَتْ بِسَيْدِ الْأَنَامِ سَيْدِ الْأَوَلِينَ وَالْأَخْيَرِينَ Et c'est elle qui portera en elle, c'est elle qui portera en son sein, سَيْدِ الْأَنَامِ, le seigneur des êtres, le maître des êtres, سَيْدِ الْأَوَلِينَ وَالْأَخْيَرِينَ, des premiers et des derniers. Sahl ibn Abdullahi relate que لَمَا أَرَدَ اللَّهُ خَلْقَ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَمِنَةَ لَيْلَةَ الرَّجَابِينَ Lorsque Allah, lama arada Allahu khalqa Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi batni ummihi Aminata. Lorsque Allah a voulu créer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le ventre de sa mère Amina, Laylatar Rajabin, c'était une nuit du mois de Rajab. Wa kanat Laylatu Jum'atin, et c'était une nuit de vendredi. Cette nuit-là, Amara Ridwana Khazinul Dinani. Allah a alors donné l'ordre à Ridwan, le gardien du paradis, à Nufatih al-Firdaus, d'ouvrir le paradis Firdaus. Wa nada munadin fi samawati wal ard, et d'appeler à grands cris dans les cieux et la terre. Allah inna an-nur al-maknun al-marzuna alladhi minhu an-nabiy al-hadi yastaqir hadhihi al-laylata fi batni ummihi. D'appeler à grands cris dans les cieux et la terre et de dire « Allah inna nur al-maknouna » que cette lumière, que la lumière qui était gardée, al-mahzouna, qui était préservée. « Alladhi minahu nabiyu al-hadi » cette lumière dont émanera le prophète guide « yastaqiru hadhihi laylata » sera placée cette nuit « fi batni ummihi » dans le ventre de sa mère. « Alladhi fihi yutima khalquhu » dans lequel sa création se parachèvera, puis il sortira et émanera vers les hommes, Bashiran, comme annonciateur, et avertisseur. Ka'b al-Ahbar, radiallahu anhu, relate que Annahu nudiya tilka al-laylata fi sama wa sifahiha wal ardi wa baqa'iha ana an-nur al-maknun alladhi minhu ar-rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yastaqiru al-laylata fi batni aminata tuba laha, que cette nuit-là de la conception du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a appelé cette nuit-là dans les confins des cieux et jusqu'aux limites de la terre, dans tous les recoins de la terre, ana nur al-maknuna, que cette lumière réservée, préservée, alladhi minhu rasulullah, dont émanera le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, yastaqiru al-laylata, sera placée cette nuit fi batni Amina, dans le ventre de Amina. Pour Baalaha, heureux soit-elle, félicitations à elle. Chéri Brémagnès nous précise que dès cette nuit de la conception du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et au matin de cette conception, toutes les idoles du monde ont été renversées. Alors que cette année-là, c'est la sécheresse qui frappait la tribu de Quraysh, voilà que la verdure est venue prendre place et les arbres ont donné des fruits en abondance. Les Quraïchites ont alors reçu des dons venant de tous les côtés, de telle sorte que dans la mémoire collective, on s'est rappelé de cette année en la désignant Sanat al-Fathi wal-Ibtihaji, en la désignant comme étant l'année de la victoire, wal-Ibtihaji, l'année de l'allégresse. D'après Abdallah ibn Abbas radiallahu anhuma, annahu kana fi dalalati hamli amina bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les preuves qui montrent que Amina était tombée enceinte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, anna kulla dabatin li quraishin nataqat tilka al-laylata. Il y a le fait que cette nuit-là, toutes les bêtes, tous les animaux de Quraysh ont parlé. Waqalat, ces animaux ont dit, humila bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Elle est enceinte du messager d'Allah. Elle porte le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa rabbil ka'bati, et par le seigneur de la Ka'ba, huwa al-imam ad-dunya wa siraju ahliha. Il est l'imam du monde d'ici-bas et il est la lampe éclairante de ses résidents. Alors, il n'est plus resté sur la surface de la terre un seul trône de roi qui n'ait été renversé dès le matin de cette nuit-là. Les bêtes sauvages, d'est en ouest, accouraient de partout pour se porter mutuellement la bonne nouvelle. C'était le cas pour les animaux de la terre comme pour les animaux des océans. Ils se félicitaient mutuellement. Durant tous les mois de la grossesse de Sayyida Amina, on entendait une voix crier dans les cieux et la terre. Chaque mois, Abshiru, Abshiru, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Faqad ana an yazhara Abul Qasim Maimunan Mubarakan. Réjouissez-vous, car voilà venu le moment an yazhara Abul Qasim, qu'apparaisse Abul Qasim. Voilà arrivé le moment de l'apparition de Abul Qasim Maimunan Mubarakan, digne de foi et béni. Chéri Brémagnès nous dit que, an ba'dil ulama, que d'après certains savants, anna aminata akhbarat bi annaha lama hamalat bihi sallallahu alayhi wa sallam fi rajab rat rajulan malihul wajhi tibu raihati wa huwa yaqulu marhaban bika ya muhammadu. D'après certains savants, Sayyida Amina a relaté elle-même, a informé elle-même, que lorsqu'elle est tombée enceinte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi Rajab, cette nuit de cette conception dans le mois de Rajab, cette nuit-là, elle a vu un homme, malihul wajhi, au visage resplendissant, toibu raihati, qui exhalait un parfum délicieux, wa huwa yaqulu, et qui disait en s'approchant d'elle, Marhaban bika ya Muhammadu, Sois le bienvenu, ô Mohammed. Alors, s'adressant à lui, Sayyida Amina lui a dit Man anta, mais qui es-tu? Qala, celui-là lui a répondu Ana Adamu, je suis Adam. Aboul Bachar, le père des hommes. Ma turidu, mais que veux-tu? Lui demanda-t-elle. Abshiri, Adam lui répondit Abshiri, ya Aminatu, réjouis-toi, ô Aminatu. Fakad hamilti bisaydil Bachar. Wa fakhri rabi'ata wa mudar. Réjouis-toi, ô Aminatu, car tu portes en toi Sayyidil Bachar, le Père, le Seigneur, le Maître de l'humanité. Wa fakhri rabi'ata wa mudar, la fierté de Rabi'a et de Mudar. Rabi'a et Mudar étant relevant de la généalogie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de ses ancêtres. Sayyida Amina raconte que au deuxième mois de sa grossesse, Dakhala alayha rajulun, un homme s'est introduit auprès de moi. Wa huwa yaqulu assalamu alayka ya rasul Allah. Un homme qui disait que la paix soit sur toi, ô messager d'Allah. Alors Sayyida Amina lui demande Man anta, qui es-tu? Et celui-là de répondre Ana shithun, je suis shith. Maturidu, que veux-tu? Abshiri ya Aminatu, réjouis-toi, ô Aminatu. Fakad hamilti bi sahibi ta'wili wal hadithi, car tu portes en ton sein le détenteur de l'interprétation, sahibi ta'wili wal hadithi, et de la parole. Au troisième mois de sa grossesse, elle relata Dakhala alayya rajulun, qu'un homme s'est introduit auprès de moi, wa huwa yaqulu, et il, un homme qui disait Assalamu alayka ya Nabi Allah, que la paix soit sur toi, ô prophète d'Allah. Man anta, elle lui demanda, mais qui es-tu? Celui-là de répondre, Ana Idris, je suis Idris. Maturidu, que veux-tu? Abshiri, ya Aminatu, réjouis-toi, ô Aminatu. Faqar hamilti bin Nabi Ra'isi. Réjouis-toi, car tu portes en ton sein, tu portes en toi le prophète leader, dirigeant. Au quatrième mois de sa grossesse, Dakhala alayha rajulun wa huwa yaqulu assalamu alayka ya habib Allah. Un homme s'est introduit auprès d'elle, un homme qui disait que la paix soit sur toi, ô bien-aimé d'Allah. Man anta, mais qui es-tu? Lui demanda-t-elle. Ana nuhun, je suis Nuh. Maturidu, que veux-tu? Abshiri ya Aminatu, faqad hamilti bi sahibi an-nasri wal futuhi. Réjouis-toi, ô Aminatu, car tu portes en ton sein le détenteur du secours et des victoires. Au cinquième mois de sa grossesse, elle relata Dakhala alayya rajulun, qu'un homme s'est introduit auprès de moi, wa huwa yaqulu, et qui disait Assalamu alayka ya safwat Allah, que la paix soit sur toi, ô toi l'élite d'Allah. Man anta, qui es-tu? Lui demanda-t-elle. Ana hudun, je suis Hud. Maturidu, que veux-tu? Abshiri ya Aminatu, réjouis-toi, ô Aminatu. Faqad hamilti bi sahibi shafa'ati al-uzma fi yawmil maw'udi, car tu portes en toi le détenteur de l'ultime intercession. Fi yawmil maw'udi, au jour qui a été annoncé. Au sixième mois de sa grossesse, Dakhala alayya rajulun, un homme s'est introduit auprès de moi, raconta-t-elle. Wa huwa yaqulu, et il disait Assalamu alayka ya rahmat Allahi, que la paix soit sur toi, ô miséricorde d'Allah. Man anta, mais qui es-tu? Ana Ibrahim al-Khalil, je suis Ibrahim, l'ami intime d'Allah. Maturidu, que veux-tu? Abshiri ya Aminatu, réjouis-toi, ô Aminatu. Faqad hamilti bin Nabil Jalili, car tu portes en ton sein le prophète de majesté. Au septième mois de sa grossesse, Dakhala alayha rajulun, un homme s'est introduit auprès de moi. Wa huwa yaqulu assalamu alayka ya man ikhtarahu Allah. Un homme qui disait que la paix soit sur toi, ô toi qui fus choisi par Allah. Man anta, qui es-tu? Lui demanda-t-elle. Ana Ismail, ababiyahu, je suis Ismail, celui qui a été sacrifié. Maturidu, et que veux-tu? Abshiri ya Aminatu, réjouis-toi, ô Aminatu, lui répondit-il. Faqad hamilti bin Nabi Rajihi al-Malihi. Réjouis-toi, ô Aminatou, car tu portes en ton sein le prophète favori, resplendissant. Au huitième mois de sa grossesse, elle relata Dakhala alayya ar-rajul wa huwa yaqul assalamu alayka ya khayratallah. Que un homme s'est introduit auprès de moi, un homme qui disait que la paix soit sur toi, ô toi, qu'Allah a élu. Man anta, elle lui demanda, mais qui es-tu? Qala, il répondit, ana Moussa ibn Imran. Je suis Moussa, fils d'Imran. Maturidu, et que veux-tu? Abshiri, ya Aminatu, réjouis-toi, ô Aminatu. Faqad hamilti biman yunazzala alayhi al-Qur'an, parce que tu portes en ton sein celui sur lequel descendra le Coran. Au neuvième mois de sa grossesse, dakhala alayya rajulun, un homme s'est introduit auprès de moi. Wa huwa yaqulu assalamu alayka, et il disait que la paix soit sur toi, ya khatimar rasulillahi, dana al-qurbu minka ya rasulallahi. Que la paix soit sur toi, ô toi, le sceau des messagers de Dieu. Ta descente est proche, ô messager d'Allah. Man anta, mais qui es-tu? Anna Isa, je suis Isa ibn Maryama. Je suis Isa, fils de Maryama. Maturidu, et que veux-tu? Abshiri, ya Aminatu, réjouis-toi, ô Aminatu. Qad hamilti bin nabil mukarrami. Car tu portes en ton sein le prophète anobli, le messager grandiose. Quelques mois avant la naissance du prophète, Abdallah ibn Abd al-Muttalib était parti en voyage, participer à une caravane de ravitaillement. Ayant fait halte à la ville de Yathrib, il tomba malade, une maladie dont il succomba rapidement. Sayyida Amina se trouvait donc sans son mari, privée du père de son futur enfant. Cette année-là, l'année de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut également marquée par un événement majeur qui constituera un point de repère historique pour désigner cette année. En effet, c'est là que Abraha est venu du Yémen avec son armée dans le but de détruire la Kaaba. Et c'est monté sur un éléphant qu'il est parti à l'assaut de Mecca. C'est cet épisode qu'Allah relate dans la 105e sourate du Coran, la sourate Al-Fil, la sourate de l'éléphant, relatant comment il mit l'armée d'Abraha en déroute avec une nuée d'oiseaux qui est venue jeter sur eux des pierres. Cheikh Ibrahim Niass radhiyallahu anhu précise que cet événement a eu lieu 50 jours avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ibrahim Niass, dans le livre Al-Faidul Ahmariu fi Maulidil Muhammadiu, relate que d'après Ibn Ishaq, Anna Aminata qalat, que d'après Ibn Ishaq, Sayyida Amina a elle-même raconté Masha'artu bi anni hamiltu bihi, wala wajadtu lahu thiqlan wala wahman, kama tajidu nisa'u ila anni ankartu haydi. Sayyida Amina a elle-même raconté que que je n'avais même pas senti, je n'avais même pas remarqué que j'étais enceinte de lui, enceinte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sentais même pas son poids en moi. Et je ne me sentais pas comme se sentent les femmes enceintes habituellement. Sauf que j'avais remarqué que je ne voyais plus mes règles. Wa atani atin bayna na'imati wa yaqdhanati. Et un jour où j'étais entre le sommeil et l'état de veille, quelqu'un est venu vers moi et il m'a dit Sha'arti bi annaki hamilti bi sayyidil anam. Est-ce que tu as conscience que tu portes en toi le Seigneur des êtres? Puis il est parti. Il est parti et je ne l'ai revu, cette personne, hatta id nadat wiladati, que lorsque j'étais sur le point d'accoucher. Atani, il est revenu vers moi, faqala quli, et il m'a dit de dire u'idhuhu bil wahid min shari kulli hasidin thumma samihi muhammadan. Et il m'a ordonné de dire en prière de préservation, prière de protection pour mon enfant, que je le place sous la préservation, sous la protection de l'unique, contre le mal de tout envieux. Puis il m'a donné l'ordre de l'appeler Mohammed, d'appeler mon fils Mohammed. Il a été également rapporté, nous dit Cheikh Ibrahim Agnès, que cette année-là, tous les garçons qui sont nés, c'étaient des garçons. Et que cela, Allah le fit pour honorer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté que Sayyida Amina a dit: Lamma hamilti bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kanat laylatul jumu'ati min shahri rajab wa lam yabqa fi makkah darun illa dakhalaha nuru. Que lorsque je suis tombée enceinte de Mohammed, la nuit de la conception de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, kana laylatul jumu'ati, c'était une nuit de vendredi, min shahri rajab, du mois de rajab. Wa lam yabqa fi makkata, et il n'y avait plus une darun, une seule demeure, une seule maison dans tout la Mecque, illa dakhalaha nuru, à l'intérieur de laquelle la lumière ne soit pas rentrée, à l'intérieur de laquelle la lumière n'est pas pénétrée. Dès la première nuit de la conception du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le palais de Kisra en Perse a été secoué. Et tous les jours à venir ont été marqués par des signes, par des miracles. Et tous les mois de la grossesse de Sayyida Amina ont été marqués par des prodiges par lesquels Allah est venu la réjouir, la fortifier, la rassurer, l'ancrer dans une paix profonde et une joie immense. Jusqu'au moment du neuvième mois où chaque jour, Allah l'a enveloppée dans sa sécurité et dans sa paix, jusqu'au moment où, au douzième jour de ce neuvième mois, un mois donc de Rabi'ul Awal, elle a senti que celui qu'elle portait en elle voulait sortir. Sayyida Amina a elle-même relaté: Lama wada'tuhu sallallahu alayhi wa sallam, raituhu sajidan lillahi ta'ala. Que lorsqu'elle a accouché du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a regardé Mohammed et elle a vu qu'il s'est prosterné devant Allah ta'ala. Wa huwa mathalu rajuli al-kabiri. Et il se comportait comme un homme, comme une grande personne. Al-arifu bi rabbihi. Comme une grande personne qui connaissait son Seigneur. Et il s'est prosterné et il a tendu ses mains pour invoquer Allah. Cheikh Ibrahim Agnès nous relate que Safia binti Abdul Muttalib était présente au moment de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Safia, fille de Abdul Muttalib. Donc, sa tante paternelle. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit: Wa an Safiyata binti Abdul Muttalib, qalat, lama ulida an-nabiyyu, raitu fihi sita alamatin. Safiya binti Abdul Muttalib a dit que lorsque le prophète est né, sallallahu alayhi wa sallam, raitu fihi sita alamatin, j'ai vu en lui six signes. Al-oula, saqata sajidan. Le premier, c'est que dès qu'il est né, il est tombé prosterné. Wathaniyatu, lama rafa'a rasahu min as-sujud. Et le second signe, c'est que lorsqu'il a relevé la tête de cette prosternation, qala, il a parlé. Et il a dit: La ilaha illallah wa inni rasulullah. Il n'y a pas d'autre Dieu que Allah, la ilaha illallah, wa inni et moi, rasulullah, je suis le messager d'Allah. Wathalithatu, le troisième signe qu'elle vit, c'est que toute la maison où a eu lieu la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été inondée minouri par sa lumière, a été éclairée par la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sa lumière était plus intense, sa lumière était plus forte que même la lumière des lampes qui les éclairaient. Ar-Rabi'atu, le quatrième signe, Ar-Ratu an Arsilahu, c'est que présente, elle a pris le bébé, elle a voulu le laver. Fahatafa bi hatifun, ya sayfiyatu, la tat'abi nafsaki, fa inna qad akhrajnahu maghsulan, tahiran, tayyiban. Et lorsqu'elle a pris le bébé pour le laver, Fahatafa bi hatifun, elle a entendu une voix l'interpeller, une voix s'adresser à elle. Ya Safiyatu, oh Safiya, la tat'abi nafsaki, ne te fatigue pas. Fainakad akhrajnahu, car nous l'avons fait sortir, marsoulan, lavé, tahiran, tahiban, propre et pur. El khamisatu, le cinquième signe, aratu an arifahu, adakarun am untha, c'est qu'elle a pris le bébé et elle a voulu regarder si c'était un garçon ou si c'était une fille. Ah, adakarun am untha. Fa wajatuhu martunan masruran, mais elle a vu que il était déjà circoncis. Masruran ay maqtu'a surrati, et que le cordon ombilical était déjà coupé. Sadisatu, et sixièmement, aratu an alifahu fi lifafatihi. فوجدت على ظهره خاتم النبوة بين كتفيه. Elle a voulu l'envelopper dans des draps. فوجدت على ظهره. Et elle a alors trouvé, remarqué sur son dos, خاتم النبوة entre ses omoplates, elle a alors remarqué le sceau de la prophétie, بين كتفيه entre ses épaules. عن فاطمة بنت عبد الله et Fatima, fille de Abdallah, Athaqafiyati était également présente à l'accouchement de Sayyida Amina au moment de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, elle, Fatima bintu Abdillahi Athaqafiyati, innaha shahidat wiladata Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, que moi j'ai assisté à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'étais témoin. Laylan, durant cette nuit, elle a dit, Famashayun anzuru ilayhi, et en l'observant, en le regardant, je n'ai vu rien d'autre que de la lumière. Wa inni anzuru ilanujum, puis j'ai levé la tête et j'ai regardé vers les étoiles. Tadnu hatta inni laqulu yaqan alayha, et elles se sont rapprochées jusqu'à ce que même j'ai peur qu'elle ne s'écrase sur moi. Voilà comment cher Ibrahim Agnès nous relate de ses sources authentiques le déroulement de la naissance du Sayyidil Anam, Sayyidil Awalina wal Akhirina, du Seigneur des êtres, le Seigneur des premiers et des derniers. Khayru khalqillahi kullihim, la meilleure de toutes les créatures d'Allah. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم